Derskiel. Écoute. Rien ne presse ici. Juste moi, le sable, et vous qui regardez. Chaque geste est un message. Chaque pierre posée, un pas vers demain. Il y a des jours sans cri, des soirs sans gloire, mais vous êtes là. Toujours. Et c'est là que tout prend sens. Est toujours là, entre deux souffles.